Zaka-zaka-zaka-zaka-zoo, il y a des cibles stratégiques. Où se planque le Hamas que dans les écoles publiques. Zaka-zaka-zaka-zaka-zoo, plutôt que de mourir de rire, tendance c'est de mourir en martyr. Zaka-zaka-zaka-zoo, il y a de jolies bombes au phosphore qui découpent en petits bouts des grands et des petits corps. Zaka-zaka-zaka-zaka-zoo, on peut s'éclater à toute heure en cherchant les petits bouts de sa petite sœur. Et à Gaza, y'a même plus un bout de gazon, même plus une conduite de gaz, c'est mieux pour les Ashkenazes. À Gaza, Gaza, Gazou, y'a plus d'eau dans les conduites pour nettoyer les cochonneries des sunnites. Ah bah oui alors. Zaka-zaka-zaka-zoo, les géomètres ont trop peur pour définir les frontières de ce petit bout de terrain. Zaka-zaka-zaka-zoo, il n'y a plus de médiateur depuis que Courbet n'est plus sur TF1. Et à Zaka-zaka-zaka-zoo, il y a un commerce qui marche encore, c'est celui des tubes en fer qui trépanne et sème la mort. Zaka-zaka-zaka-zoo, le bâtiment se porte bien, on se protège derrière des gros parpaings. Ouais, quand votre car fait boum, toute la nation fait boum, c'est la nation qui s'évague. Zaka-zaka-zaka-zoo, il n'y a plus de salade de fruits, plus de crayons à tailler, rien de bien joli, joli, joli. Zaka-zaka-zaka-zoo, on se déplace en Rosalie, c'est mieux que le Tour de France en Jordanie. Zaka-zaka-zaka-zoo, y'a de jolis bonbons phosphores qui découpent en petits bouts des grands et des petits corps. Zaka-zaka-zaka-zoo, on peut s'éclater à toute heure en cherchant les petits bouts de sa petite sœur. Ah bah évidemment, je vais pouvoir chercher longtemps. Et comment je vais faire moi sans mes pieds, hein? Qu'est-ce que je vais marcher beaucoup moins bien, hein? Ça c'est sûr. Et qu'est-ce que je vais devenir moi sans mes pieds? Vous serez qu'une chatte là-bas. Vous allez voir, c'est absolument génial. Je me suis fait la tête de Bourville. Bourville, merci de maquiller, c'est absolument génial. Et et c'est génial, j'ai vu Ehud Olmert, c'est super. Il est venu dans mon émission, c'est super. J'ai bien qu'ils disent oui, les juifs, les arabes, c'est tout ce qu'ils aiment. Et c'est son con. Boum, ça a fait boum. Des fois ça marche, des fois ça marche pas.